Jésus remplit mon cœur d'amour, d'accord. C'est que nous... On va essayer de chanter. Ça, quel beau jour, non. Quel jour de joie et de bonheur. Ça, oh, c'est pas chanter. J'ai fait mon choix. À Jésus, j'ai donné mon cœur. Désormais, tout tienne en moi. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Et pour toujours, il m'a appris la joie de vivre par l'esprit. Alléluia. Quel beau jour, oh, quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Amen. Amen. Nous pouvons chanter alors. Quel jour de joie et de bonheur, pour toujours, j'ai fait mon choix. À Jésus, j'ai donné mon cœur, désormais tout est neuf à moi. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. La joie.